À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir, je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat, porte numéro 40.